Genèse chapitre 16. Or Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait enfanté aucun enfant, mais elle avait une servante égyptienne, nommée Agar. Et elle dit à Abraham, « Voici maintenant, l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je des enfants par elle. » Et Abraham acquiesça à la parole de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, sa servante égyptienne, et la donna pour femme à Abraham son mari, après qu'il eut demeuré 10 ans au pays de Chanaan. Il vint donc vers Agar, et elle conçut, et Agar, voyant qu'elle avait conçu, méprisa sa maîtresse. Et Saraï dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait, revient sur toi, je t'ai donné ma servante en ton sein, mais quand elle a vu qu'elle avait conçu, elle m'a méprisé. Que l'Éternel en juge entre moi et toi. » Alors Abraham répondit à Saraï, « Voici, ta servante est entre tes mains, traite-la comme il te plaira. » Saraï donc la maltraita, et Agar s'enfuit de devant elle. Mais l'ange de l'Éternel la trouva auprès d'une fontaine d'eau au désert, près de la fontaine qui est au chemin de Sur. Et il lui dit, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu, et où vas-tu ? » Et elle répondit, « Je m'enfuis de devant Saraï, ma maîtresse. » Et l'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne à ta maîtresse, et t'humilie sous elle. » Davantage, l'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai beaucoup ta postérité, tellement qu'elle ne se pourra nombrer, tant elle sera grande. » L'ange de l'Éternel lui dit aussi, « Voici, tu as conçu, et tu enfanteras un fils, que tu appelleras Ismaël, car l'Éternel a ouï ton affliction. Et ce sera un homme farouche comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous contre lui, et il habitera à la vue de tous ses frères. » Alors elle appela le nom de l'Éternel qui lui parlait, « Tu es le Dieu fort de vision. » Car elle dit, « N'ai-je pas aussi vu ici après celui qui me voyait ? » C'est pourquoi on a appelé ce puits, le puits du vivant qui me voit, lequel est entre Kadès et Béred. Agar donc enfanta un fils à Abraham, et Abraham appela le nom de son fils qu'Agar lui avait enfanté, Ismaël. Or Abraham était âgé de 86 ans, quand Agar lui enfanta Ismaël.